dans les petites bises. Les bras dérivent la rue comme énigme, délita comme éponyme. J'passe toujours comme une odeur de souffle. Les keufs en souffle, connard, moi j'en bouffe. Vas-y, j'fume, vince d'art et à 200, j'ai sans le boulevard. Toujours OP pour faire flasher, toujours OP pour pourchasser. Vas-y, poteau, embouine la 7ème. Moi j'ai pas peur de me retrouver au 7ème ciel. Toujours pas fraîche du matin au soir, je me lève, je me mets un star, je me couche, je fais des cauchemars. Toujours sans genre art, toujours sans morale. Jamais assez de mental pour faire une journée normale. Toujours la tête pleine de conneries, je réfléchis. Mais là en vrai, tu m'as saoulé l'ami. Hier, je t'ai souri, mais je suis lunatique. Là, je te nique. Toujours frais, écrire avec tout ce que j'écoute. Mon boss, c'est comme trouver des phases goutte à goutte. Parce que je suis OP pour m'investir, mais pas écrire à toute heure, pas là. Demandez l'heure, toujours à l'écoute, moi. J'ai plus qu'entendre, j'analyse et je pense à ceux qui peuvent se défendre. Toujours j'y vais à reculons quand tu veux m'aider. Je sais pourquoi, je te jure, trop fêlé, t'as pas idée. Toujours OP pour casser les dents, c'était une petite femme dans tous les temps, à tout moment. Et ce qu'importe le thème, t'as tort de me parler pour en boucaner mes gars. T'as tort d'aller les voir pour m'en boucaner moi. Toujours ensemble pour te retourner, toujours ensemble pour rapper, toujours ensemble pour délirer, toujours ensemble pour tout niquer. Moi j'ai toujours la tête sur les épaules, surtout quand il s'agit de prendre le monopole. Toujours les jeunes sont ouf, on veut des housses. On est renié, remanié, mais toujours on reste blindé. Toujours on est plein à kiffer la couleur cramée, hey. Toujours des textes à profusion, de l'inspiration, de la décontraction, de l'animation, de la passion. Les rappeurs font moins de bon son, j'ai pas d'explication. Ils croient sûrement avoir fait le tour de la question. Moi c'est toujours avec le cœur, c'est la recette pour être sincère. Me demande pas d'écrire à toute heure. Moi je réfléchis, sois pas vénère, prends mon temps et toi t'accélères. Je m'en tape, mon son sortira de l'ordinaire. Toujours bien entouré d'Elita, tu peux pas l'approcher. Au finalement ils sont gentils mes gars, amène-toi de plus près. Tu m'as décollé une droite, t'as fini sur le parquet. Au moins trois coups de cassé, ton joli ciné. Ok t'as cherché, faut pas prendre les meufs pour des objets. J'ai râlé, t'as riposté, toutes les vies t'ont pété. Parce que toujours suspecte d'être une suceuse en tant que meuf, c'est bête. Mais j'suis pas une allumeuse, presque aussi râlée que tout ce qui m'entoure. M'englobe et me retourne, me gobe et me rembourre. Tu m'as dit dégage, je t'allonge un coup de masse. Mais hey, la loi du plus fort, chez moi tu connaîtras. Je me venge les gars, fallait pas mettre tous ces coups là. Tu me prends la tête alors je reviens en ombre comme un nombril. Et ben oui, j'appelle tout le monde, t'as fait chaud. Alors je vais faire la chose sur ton dos. On va faire des tours de rodéo. Toujours réjoui quand on me dit t'as déchiré. Toujours je jouis quand je vois sur mon dos t'as bavé. J'actais parler comme si ça avait de l'intérêt. Que j'écoutais ou que tu croyais pouvoir me blesser. Je te regarde, je me marre parce que tu crois que je me la raconte. Pourquoi t'as peur, je suis pas un bonhomme. Tu tapes la honte, Elita, dilettante, dissidente, entreprenante. Dans le rap comme dans la vie, je risque de me prendre des trempes. Toujours mieux que ta tasse faisant passer pour une nonne. Je déconne mais ça coûte, c'est plus qu'on prend pour une conne, hey. J'ai envie de balancer les hypercutes, mais la boxe c'est pas mon domaine, non. Moi c'est la lutte acharnée contre ces putes qui voient la vie comme ça dans le chute. J'ai pas fini, alors remets-moi quelques mesures. C'est dur, non, non, écrire c'est ma nature. J'suis trop pas connu, c'est vrai, mais à rien que j'assure. J'suis trop pas connu, navré, mais à rien que j'assume. Toujours intègre, ça c'est ma devise. Mais reste en retrait, c'est moi qui supervise. Toujours mon abécédaire, oui, je le défendrai. C'est toujours les premiers jets, preuve de la réalité. Toujours mes invités, je les défendrai. Parce que c'est mon équipe, alors viens pas nous critiquer. Des feignants, casse la tête sur des textes percutants. Opérant, rentre dedans sur des beats performants. À tout moment, sans sentiment, sans argent, sans argument. On te casse les dents, un coup de rime violente. Sans surprise, reste que je suis la miss. Spiffettise et arrête de sourire, arrête. Je te méprise, moi au moins j'analyse. Et j'en parle, c'est pas le bise ni la zik qui vont nous réunir. Enfin, toujours les pieds sur terre, la tête dans le boule.